إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أخذنا ماذا في درس الماضي؟ الخاص المتصل. نعم نجي الخاص ينقسم لقسمين ما هما؟ المتصل والمنفصل. المتصل والمنفصل. نون أبقي المتصل. Après, on a dit que dans le Muttasil, on a trouvé trois formes de Mukhassisat, de Tarsis. Tu te rappelles les trois? Là, les trois générales. Le Badel, c'est dans l'un d'entre eux. Les trois taxim généraux qu'on a fait. Non, mais c'est illa avec illa. Istithna, l'exception. Sani, le deuxième. Charte. Charte avec condition. Troisième. Ça ressemble à charte. Question. Charte, tu l'as dit. Ça ressemble un peu au charte, mais c'est pas charte. Wasf, sifa. Avec un descriptif. طيب. الآن سنأخذ الثاني وهو المتصل المنفصل. قلنا المتصل والذي ما يستقل بنفسه. Qui ne peut يعني s'individualiser lui-même. Et le منفصل هو ما يستقل بنفسه. Le contraire. S'individualiser tout seul. Donc le muttasil, celui qui ne peut s'individuer tout seul, le tarsis est dans le même texte que le tarmim. Il est lié. On a dit soit par illa, ou soit par un istithna, une exception, soit par une condition in ou autre, ou soit par un descriptif. Dans le même texte du tarmim, il est attaché. Et le munfasil, d'accord, le tarsis, il est ailleurs. Avec un autre texte. Même t'as dit, ou un autre verset, ou un autre hadith, ou un ijmar, ou un qiyas. Les séparer. Taïb. قال المخصص المنفصل هو ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء. Donc ce مخصص منفصل, c'est celui qui peut s'individualiser par lui-même. Trois choses. الحس والعقل والشرع. الحس, c'est ce qui est pris de l'essence. Les choses pris d'essence. C'est quoi les cinq sens? Ah, les sens, c'est comme ça. Ah, ouais. L'odorat, la vie, l'ouïe, les touchés. Ah, ouais. Enfin, là, il veut dire quoi en fait? Les choses qui sont basées sur un constat en fait. En français, on dirait comme ça. Mais il veut dire quoi? Les choses marsou ça, les choses qui soit sont vues, soit sont ressenties, soit sont touchées, soit sont entendues. Donc nous on appellera ça en français, je traduis par chose qui est constatée. Par un constat n'est pas forcément fait par une vision. Un constat peut être fait par une odeur, par un contact. Par exemple, tu touches rien, je constate que tu es Kaza, que tu as la chair de poule. Comment tu le sais? En le touchant, tu as vu la chair de poule. Je constate que, à celle-là, tu dis un tel, tu mets du parfum. Comment tu sais? Par l'odeur. Elle va les cas. Le constat, c'est, on traduira comme ça. Donc, soit par constat, c'est-à-dire tu vas remarquer qu'une chose, elle est spécifiée en le constatant par toi-même, soit par une chose basée sur la raison, que ta raison déduit que cette chose, elle est spécifiée, ou soit alors par le shara, par un dalil, qui te dit que cette chose-là, elle est spécifiée également. Mukhassas. D'accord ? قال مثل التخصيص بالحس قوله تعالى أن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض. Donc une chose qui est spécifique par le constat, Allah subhanahu wa ta'ala à propos du vent qui a détruit Ad. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans le sens qu'elle a détruit toute chose par l'ordre de son Seigneur. Donc là on a quoi? Kulla shay'in. On a dit quoi? Kul, c'est un terme de quoi? Am. Donc ça veut dire toute chose normalement. Mais cependant, on a constaté que tout n'a pas été détruit. Les cieux n'ont pas été détruits. La terre, même des parties, en fait, ce qui a été détruit chez eux, ce sont leurs maisons. Comment on l'a su ? Par le constat. Donc là, il y a eu un Tarsis, d'accord, qui est que ce n'est pas cool lécher. Tout ce qui existe a été détruit par ce vent. Mais cependant, seulement, c'est quoi ? Les maisons de Had. Et là, il y aura un kelem sur ce nord et celui d'après. Misal Tarsis bil Aql. Qulu ta'ala, wallahu khaliqu kulli shay. فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. Donc là, maintenant, pour les choses qui sont basées sur la raison, Allah dit dans le Coran, dans le sens, il dit Allah est le créateur de toutes choses. كل شيء. D'accord ? Maintenant, la raison nous démontre quoi ? Que l'essence d'Allah n'est pas créée. Et Allah wa shay. On peut dire Allah wa shay. كل شيء أكبر شهادة. كل Allah. Quelle chose de plus gros témoignage dit Allah. Donc Allah peut être décrit comme étant une chose. Quand même, ses sifat, elles sont de lui. Il les a créées ? Non. Kitabullah min sifatihi, le Coran, il a été créé ? Non. Donc en fait, c'est Allah a créé toute chose qui est créée en fait. Kul makhlouqat. Donc le acte dit, quand quelqu'un te dit, parce que non, il va dire, ben, le Coran il est créé, c'est de ce verset là par exemple. On dit non. Yani, kul léché, mima wa makhlouq. Toutes les choses qui sont créées. Car si jamais tu dis Allah a créé le Coran, il y a des tu dis qu'Allah s'est créé lui-même. Parce qu'Allah est wa shay kazalik. Nous ne pouvons pas te répondre à ce moment-là. Donc là, ta raison te fait comprendre que kul léché, il y a un tarsis, d'accord, pour en fait kul léché, mima wa makhlouq. Après, il dit wa min al-ulama man yara anna ma khassa. بالحس والعقل ليس من العام المخصوص وإنما ومن العام الذي يريد بالخصوص إذ الخصوص لم يكن مرادا من عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر وهذه حقيقة للعام الذي يريد بالخصوص bon, attention les fatambi qui dit qu'en fait les ulama, il y en a qui voient que ces deux là, ces deux tarsis qui sont par le his, le constat, et le aql, la raison, en réalité, ne font pas partie du âme al-makhsous, c'est-à-dire un âme qui a été spécifié. C'est-à-dire un texte âme, là on a des textes âmes, kull shay'in, c'est un lof qui est âme. Mais en fait, on veut un truc en particulier, c'est quoi ? Les maisons de Had, c'est pas toute chose. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu khaliq kull shay', c'est un lof qui est âme, mais on spécifie quoi seulement ? Ce qui est makhlouq. Donc c'est un âme makhsous. C'est un terme général qui était spécifié. On veut un truc spécial en fait par lui. Alors que le am alladhi urida bil khusus, là je vais te donner la faïda. Rakkiz ala hada. C'est pas dur à comprendre, inshallah. Comme Shir Shamiri dit dans le ta'liq de ce livre-là, il dit quoi ? Que le am de trois catégories. عام يراد به قطعا العموم. C'est-à-dire une généralité par laquelle on ne veut qu'une généralité. Une généralité qu'on ne veut par là qu'une généralité. C'est-à-dire qu'on a des indices qui montrent qu'on ne peut rien en sortir. Vous voyez, on ne peut rien en sortir. Il n'y a rien qui spécifie, qui peut être spécifié. مثلاً وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. Adorer Allah et ne lui associer rien du tout. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un tarsis dans ce qui peut être en dehors d'Allah ? Il n'y a rien qui peut être en dehors d'Allah, qui peut lui associer, rien du tout. Donc là, c'est un quoi ? Un âme, tayyib, yuradubi, kothan il umum. Il n'y a pas de tarsis dans celui-là. Toute chose ne peut être associée à Allah. Aucune chose ne peut être associée à Allah. Aucune chose. Là, c'est la première catégorie. Comme exemple également, il y a « Il n'y a pas de bestiaux sur terre sans que le risque n'incombe à Allah. » Là, il a dit quoi ?« Wama min daba. » Là, on a quoi ?« Nafi, ma. » Et « daba », c'est « nakira ». C'est-à-dire qu'on n'a aucun animal, aucun être vivant sans que son risque n'en vienne à Allah. Est-ce qu'il est possible qu'autre que Allah apporte leur risque? Donc ça, c'est un am mahz. Il n'y a pas de tarsis là-dedans. Deuxième, c'est am yuradu bihi al-khusus. C'est-à-dire un thème général par lequel on veut une chose spécifique. Un thème, dans son apparence, il est général, mais nous, quand on l'utilise, on veut une chose spécifique. Voilà. C'est-à-dire qu'on a des éléments qui nous démontrent que ce âm ne peut pas rester sur sa généralité. C'est pas possible. Comme quoi, ce verset-là qu'on a pris, que Allah a envoyé ses vents, que ce vent n'a pas tout détruit. Ce vent n'a détruit que quoi? Les maisons de Ad, c'est tout. Allahu khaliqu kulli shay. Il est certain qu'on ne veut pas, là, une généralité. On veut une chose spécifique, c'est-à-dire tout ce qui est créé. D'accord? Taïb. Donc, il y a des ulama, ils voient que ces deux versets-là, en réalité, ces deux versets qu'on a pris, là, ces exemples qui sont par le his et le aql, ce ne sont pas des généralités qui ont été spécifiées. C'est-à-dire, c'était une généralité et on en a sorti une spécificité. En fait, non, ça c'est une généralité qui elle-même est spécifiée en elle-même. D'accord ? Ça s'appelle Al-Am Al-Ladhi Urida Bil-Khusus. C'est-à-dire un terme général par lequel on veut en fait une chose spécifiée. Troisième catégorie de Am s'appelle Am Mahsus. Am Mahsus. C'est-à-dire que c'est un Am, il n'y a rien qui empêche qu'on puisse le spécifier et rien qui fasse que. Qui nous pousse à dire qu'il reste sur sa généralité, comme les deux autres. En fait. Là, ça s'appelle Al-Am Al-Mahsus. C'est une généralité. Rien n'empêche qu'on en tire un tarsis. Et il n'y a rien qui nous contraint à le rester sur son âme. Ça peut être ça, ça peut être ça. Voilà. Et que les ulama disent en fait que ce n'est pas cet âme-là qui a été voulu. D'accord ? Ce n'est pas, c'est-à-dire l'âme al-mahsus, c'est pas celui qui a été voulu, mais c'est celui qu'on a cité en deuxième, le âme al-ladhi urida bihi al-khusus. Tu veux un exemple d'un âme mahsus, qu'Allah Azza wa Jal, wa mutalaqqatu yatarabbasna bi-anfusihinna. Falaftakuru. Et que les femmes divorcées doivent attendre un délai de 3 menstrues. Donc là, c'est mutalaqqat al c'est-à-dire toutes les femmes divorcées rentrent, doivent faire ce qu'on appelle la idda, les 3 menstrues. Elles ont pas le droit de se marier. Amen. Donc là maintenant, est-ce qu'il y a une chose qui te dit que ce texte il reste dans sa généralité, ne bouge pas? Est-ce qu'on a une chose qui te dit que il est spécifié? Non, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire on peut le spécifier, tout comme on peut dire il reste à son, dans son apparent. Mais on a des preuves qui prouvent qu'il peut être spécifié. Par exemple, dans d'autres versets où Allah dit que les femmes que tu as divorcées, que tu n'as pas touchées, elles n'ont pas d'idda. La salaine. Ou celle qui était divorcée et qui est enceinte, c'est quand sa idda se termine quand? Quand elle a accouché. Donc elle sort. Donc ça c'est une parenthèse pour savoir que le... Donc là on revient à ce qu'on a dit. Que 3 choses viennent pour faire un tarsis du monde fossile. On a dit le quoi, le his, le constat, avec les exemples. Le aql, avec les exemples. Maintenant, il en reste un, le shara. Qala wa amma tarsis bi shara, fa inna al-kitab wa sunnata yukhassis kullun minhuma bi mithlihima. Wa bil ijma' wa la qiyas. C'est-à-dire que maintenant, la législation, en fait, un dalil, peut t'apporter un tarsis. La salaine, que le kitab, le Coran, peut être mukhassas par la sunna. La sunna peut être mukhassas par le Coran. Le Coran peut être mukhassas par le Coran lui-même. La sunna peut être mukhassas par la sunna elle-même. Amen. Et également, on a 2 autres formes de dalil, c'est quoi? L'ijmar et le qiyas. Le qiyas qui est authentique. Donc le Coran peut être mukhassas également par un ijmar. Et la sunna peut être mukhassas par un ijmar. C'est-à-dire, le Nabi Sassalim avec un hadith qui a un love qui est âme, et un ijma qui vient pour faire un tarsis dans ce love. Par contre, un ijma et un qiyas, ça, il n'y a pas. Tu fais un tarsis d'un ijma avec un autre ijma. Ou un tarsis d'un qiyas avec un autre qiyas. Ça n'a pas été cité, ça. Là, on parle du kitab ou sunnah. Mais la qiyas, lui, c'est masala, c'est. C'est un cercle qui ne s'arrête pas des fois. Faut attention au qiyas. Maintenant, il va donner des exemples de chaque. Un exemple de chaque chose citée actuellement là. Un tarsis maintenant du kitab par le kitab. Quand le azawajel, on l'a cité là un instant. Les femmes divorcées, d'accord, doivent attendre une période de viduité, comme on dit en français, qui s'appelle l'idda, de trois menstrues. Maintenant, on a un tarsis dans le Coran qui vient. Ya ayyuhal ladhina amanu, idha nakahtumul mu'minat, thumma talaqtumuhunna, min qabl an tamassuhunna, wa ma lakum alayhinna min iddatin tahtaddunaha. Comme on vient de dire un instant. Ô vous qui avez cru, si jamais vous vous mariez avec les croyantes, puis vous les divorcez, vous les répudiez, avant d'avoir des rapports avec elles, alors elles n'ont pas de idda. Donc là, ce verset a fait un tarsis de l'autre. L'autre, c'est les générales. Les femmes divorcées, elles ont une idda de trois menstrues. Là, c'est une ayah qui a une apparence générale. Toutes les divorcées. Et bien là, un autre verset vient pour faire un tarsis. Non, ce n'est pas toutes les divorcées. Celles qui n'ont pas eu de rapport, elles ne rentrent pas dans ce jugement-là. Et on a dit quoi également? Les femmes enceintes. Pareil. Après, il dit un tarsis du kitab par la sunna. C'est-à-dire, le Coran dit un verset âme et la sunna vient faire un tarsis. Allah yakul, yusikumullahu fi awladikum, les zakari mislu hazil unsayin. Que Allah vous exhorte dans vos enfants. Là, c'est pour l'héritage. Que le garçon a droit à deux parts d'une fille. Enfin, le garçon a droit à deux parts d'une fille. Là, le tarmim, c'est pas là qu'il est. C'est quoi? Yusikumullahu fi awladikum. Dans vos enfants, c'est-à-dire tous vos enfants. Donc, qu'est-ce qu'on va se dire maintenant? On va dire que tous les enfants, si demain un père ou une mère il meurt, l'enfant, il y a deux parts pour le garçon et une part pour la fille. D'accord? C'est l'apparent du texte. Maintenant, on a un tarsis par la sunna qui dit, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yarith al muslim al kafir ou la kafir al muslim. Que le muslim n'irait pas du kafir et le kafir n'irait pas du muslim. En fait, c'est un verset, quand même, qui en apparaît en général et en fait, il est spécifique pour qui? Pour les muslimines. Donc demain, t'as un père, t'es muslim, t'as un garçon, masalan, t'as deux filles, on dit que le fils, a'udzubillah, il a apostasié. Et les filles, sont muslimas. Tu vas pas donner au fils deux parts et une à chaque fille. Non, il aura rien du tout. Pourquoi? Il n'hérite pas de toi. Ou le contraire, le garçon, il est présent et les filles, sont apostasiées. Elles n'ont rien du tout. Même t'année, pareil. Donc là, on a un tarsis. Après un tarsis, du kitab par l'ijma. L'ijma, c'est le consensus, l'unanimité. Qala azawajal, wal-ladhina yarmouna al-mursanat thumma lam yatu bi arba'ati shuhada fajliduhum thamanina jalda. Ceux qui accusent les femmes croyantes, chastes, et qui ne viennent pas avec quatre témoins, alors vous devez les flageller 80 fois. Toute personne qui vient, qui dit Fulana, elle a fait zina, vient devant le juge, elle dit elle a forniqué. Il ne vient pas avec quatre témoins, mais avec les conditions requises, on le flagelle 80 fois, même si c'est vrai. Il n'a pas le droit. Et par la suite, son témoignage n'est pas accepté, ça fait un cirque, même si c'est vrai. Donc là maintenant, il dit que l'ijma est venu faire un tarsis. Que l'esclave, un homme qui est esclave, qui accuse une femme d'avoir fait zina, lui, il a droit à quoi? À 40, la moitié. Il n'a pas droit à 80. Demain, un esclave, il vient et dit, j'ai eu Fulana faire zina. Il n'y a pas que les témoins. Lui, on dit, toi, tu n'auras pas 80 coups de feu, tu n'auras que 40. Et Cheikh Al-Faymi dit que cette masala-là, il y a khilaf. En fait, il n'y a pas ijma par rapport à l'esclave. Donc il dit, en réalité, j'ai pas trouvé d'exemple. Tu vois, il dit, وَلَمْ أَجِدْ لَهُ مِثَالًا سَلِيمًا. Maintenant, un exemple a été trouvé en dehors de cela. Cheikh Fath al-Qadassi, c'était l'exemple que lui, là, il donne par rapport à ça. قَالَ عَزَ وَجَلْ وَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا تَهُورًا. Nous avons fait descendre des cieux une eau purifiante et purifiée. C'est-à-dire que l'eau du ciel qui descend, elle est purifiante et purifié. On a et purifié. Maintenant, on a l'ijma que l'eau peut changer de cette sifa pour devenir non purifiante. Kayf iza taghayyara sifatuha athalath. Si son odeur change, sa couleur change, son odeur change, sa couleur change, son goût change. Donc là, l'ijma, j'ai fait un tarsis. Ce n'est pas toute eau qui vient du ciel qui est tahour. Elle peut changer. À quel moment? Si jamais ses caractéristiques changent. C'est avec najasa ou c'est changé? Même sans najasa, elle est plus purifiante. Elle peut être purifiée. Pure, en fait, on va dire, je dis purifiée, en fait, on va dire pure, c'est mieux. Une eau pure et purifiante, c'est mieux de dire comme ça. Elle peut rester pure, mais elle n'est pas purifiante. Tout comme elle peut être ni pure, ni purifiante. Purifiante, c'est-à-dire que tu peux pas faire l'odeur. Voilà. Elle est pure, c'est pas une najasa. Le bouillon que tu as fait, cuire du poulet, le bouillon, la sauce qu'il y a, c'est pur, mais c'est pas... tu peux pas faire l'odeur avec. D'accord. Donc là, il y a ijmar que si l'eau échange de ces trois caractéristiques-là, elle ne devient plus soit pure et purifiante ou soit plus purifiante. L'un des deux. Si c'est une najasa, elle est plus pure. Donc si elle n'est pas pure, elle est encore moins purifiante. Après, il dit « Mithal, Tarsis, Al-Kitab, Al-Qiyas ». Un exemple du Tarsis du Kitab, du Coran avec le Qiyas. Le Qiyas, c'est une analogie. Ça va arriver à la fin, Inch'Allah. Il y a un même pour le Qiyas. « Qala ta'ala, al-zaniya wa zani, fajlidu kullu wahidin minhuma miyata jalda. » Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran dit dans le sens que la fornicatrice et le fornicateur flagellent-les chacun d'entre eux sans coup de fouet. Là, on parle de celui qui n'était pas Moursan, qui n'a pas connu le mariage. Donc maintenant, il y a eu un qiyas du serviteur, l'esclave Zani. L'esclave qui est Zani. Car des adillas sont venus que l'esclave femme Zania, elle a droit que à quoi? À la moitié de la sanction que prend celle qui ne l'est pas. Comme a dit Allah Azza wa Jal, « Fa'alayhinna nisfu ma'ala al-mursanat min al-azab » Que les esclaves femmes, elles ont la moitié du châtiment infligé à celles qui n'étaient pas esclaves. Donc, ça veut dire que la femme esclave, elle, si elle fait zina, on l'a flagellée combien de fois? 50 fois. Il y en a, ils ont fait un qiyas de l'esclave homme par rapport à la femme. Quand on n'a pas de dalil pour l'homme. Là, c'est venu juste pour qui? Pour l'esclave femme. Ils ont fait un qiyas. Ils ont dit, ben, si c'est valable pour la femme esclave, c'est valable pour l'homme esclave également, qui n'a droit qu'à la moitié du châtiment. La moitié de la sanction. D'accord? Ça, c'est un qiyas qu'ils ont fait. On n'a pas de texte qui dit que l'esclave homme, il a de la moitié. Pas mal? Ah, ben. Et en réalité, même cette mas'ala, il n'y a pas ijma' dessus. Ce qiyas-là, il est pas, tout le monde n'a pas été convaincu. Ça, c'est l'exemple que Shir Al-Semin, il donne. Lui, certains évoquent que ce qiyas-là n'est pas valable. Car le qiyas, il y a beaucoup de trilèves dans le qiyas. Lequel qui est mort à bord, qui est considéré qui est valide, lequel qui ne l'est pas. Ça va arriver, Inch'Allah, à la fin du livre. Donc là, c'est l'exemple donné de qiyas. Misal, Tarsis et Sunna bil-Kitab. Maintenant, la Sunna qui était mukhassasa par le Kitab, par le Coran. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث qu'il a dit صلى الله عليه وسلم il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent et qu'ils disent لا إله إلا الله ومحمد رسول الله le hadith ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة les amis font cela ils seront préservés de moi. Donc là on a quoi comme terme عام? Ou quand il est nas, les gens avec elle. D'accord? Le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Qala azza wa jal, qatilu alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wa la yadinuna din al-haq min alladhina utul kitab hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa musaghirun. Que Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? De combattre ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier. Et qui ne rendent pas illicite ce que Allah a rendu illicite, ni son messager, et qui n'appliquent pas la religion de vérité, jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya, alors qu'ils sont avilis. Donc là, dans le hadith, c'est le fait de dire la shahada. Et là, dans le verset, c'est le fait de donner la jizya. Il y a un tarsis. Si tu donnes la jizya, tu ne le combats plus. Fahimt ? Car le hadith fait croire que tant que tu ne te soumets pas à Allah, on va te combattre. Et là, le verset qu'on explique, non, mais c'est ce qu'il donne quoi ? La jizya, et là, c'est valable pour qui ? Les gens du livre. Ce n'est pas tout le monde. C'est les gens du livre. Comme il dit, « Min al-lazina utul kitab » ceux qui ont reçu le livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. « Al-Yahoud al-Nasara » Et même ça, la masala, il y a eu khilaf, il y en a qui disent que c'est tous les mouchidekin qui donnent la jizya. Donc ça ne change rien, le tarsis il est quand même présent. Que celui qui donne la jizya, on ne le combat pas. Même s'il ne dit pas « La ilaha illallah » on ne le combat pas. S'il donne la jizya, khalas, tu le laisses. D'accord ? Donc il y a un tarsis qui est valable. Et l'autre tarsis, c'est que c'est juste pour les al-kitab. Et celui-ci, il est discutable. T'as compris là ? Ouais, ouais. Après, tarsis, as-sunna bi-sunna. Que la sunna va faire un tarsis d'une autre sunna. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est dans la zakat. Fima sakat as-sama al-ushur. C'est-à-dire, tout ce que tu as comme champ, chose que tu cultives, tout ce qui a été arrosé par les cieux, c'est-à-dire par la pluie, ce n'est pas toi qui l'as arrosé de toi-même, tu en sors le dixième. Quand même, quand elle est Fima Sakat Essama, là c'est Ima, c'est Isma Usul. Tout ce qui a été arrosé par la pluie, tu en sors le dixième. Pour la zaka. Tu en extrais le dixième pour donner pour la zaka. Là on dirait quoi? Que tout ce que tu possèdes comme champ, comme agriculture, et qui est arrosé par la pluie, t'en sors le dixième. Ça c'est dans un hadith. Dans un autre hadith, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, laysa fi ma dun khamsat afsouk, afsouk, sadaqa. Que tout ce qui est en dehors, en dessous de 5 afsouk, c'est y a une sadaqa. Tu en sors la zaka. Donc en fait, ce n'est pas tout ce qui était arrosé par les cieux. Après, il y a un tarsis. Et c'est quoi un wasq? Un wasq, c'est 60 sa. 60 sa. 5 fois 60, ça fait combien? 300. Donc tout ce qui est en dessous de 300 sa, en dessous, parce que tu possèdes, il n'y a pas de zakat. Ça dépense. Si jamais ça dépasse 300 sa, tu sors la zakat. D'accord? Et ça, en plus, c'est spécifique pour 4 choses en réalité qui sortent du sol. Le raisin, zabib, le blé, l'orge et les dattes. Donc demain, tu cultives des pommes de terre, il n'y a pas. Tu cultives des tomates, il n'y a pas. Même si ça a été arrosé par les cieux, et qu'on dit raisin, c'est raisin sec, zabib. C'est pas la inem. Tu as compris là ? Pareil. L'exemple du tarsis de la sunna par l'ijma. Et le shir, il dit « Walam ajid mithalan li tarsis la sunna bi l'ijma. » Et il y en a un. Qal, في حديث أبي قتادة ليس في النوم تفريط وإنما تفريط الذي يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الأخرى رواه مسلم qu'il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم qu'il n'y a pas d'excès dans le sommeil, mais l'excès c'est de faire le fait de tarder, de sortir la salat de son temps à tel point que rentre le temps de l'autre salat. Donc maintenant de ce hadith, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que le temps de la salat se finit quand? Pas l'entrée du temps de la nouvelle salat. Ce hadith te laisse entendre que la salat, son temps, se finit avec le temps de la rentrée de la nouvelle salat qui vient après. Et l'ijma et qa'im, que le fajr, son temps se finit quand ? Inda tulu'i shams. Donc là, tu ne peux pas dire je dors du fajr et je fais le fajr avant le dhuhr. Alors que tu peux dormir, tu dors dhor et tu fais le dhor juste avant l'asr. C'est makrouh de faire ça. Mais tu le fais, ta salat elle est valide. Car le temps du dhor s'arrête quand? Quand le asr il arrive. T'as compris l'exemple? Tayeb. Wal akhir, mithal tarsis as-sunnati bil qiyas. Maintenant tarsis de la sunna avec le qiyas. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, el bikru bil bikr. Jild miyat. C'est-à-dire que le bikr qui fait zina, celui qui n'a pas connu le mariage, c'est quoi sa sentence? C'est 100 coups de fouet. Et qu'il est quoi? Qu'il est banni 1 an du pays où il vit. Et le qiyas, il est venu pour dire quoi? Khassas bi qiyas al-abd al-ama fi tasnif al-azab wa al-iktisar ala 50 jalda ala mashhur. Et il dit qu'il y a eu un tarsis du qiyas du abd, de l'esclave homme, par rapport à la femme. Donc là, ça revient au qiyas qu'on a vu tout à l'heure. Rappel? Ouais, 50. Donc là, est-ce que ce qiyas est valable qu'on a vu tout à l'heure? Non. Il n'est pas valable. Là, il y a écrit Al-Bikr Bil-Bikr. Celui qui n'a pas connu de mariage, d'accord, sa sentence, c'est telle chose. Après, on a eu un tarsis pour qui? En réalité, par le Coran, on a eu pour l'esclave femme. Ça, on a un texte. Après, ils ont fait un qiyas. Si c'est valable pour l'esclave femme, ouais, c'est valable pour l'esclave homme kazalik. Donc là, ils ont fait le même qiyas que tout à l'heure, sauf que là, c'est pris du hadith, pas du verset. Mais maintenant, on redit, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce qiyas-là, quand nous, Kisha, ou Afi, Nazar. Maintenant, ils voient que ce qiyas, il n'est pas valable et que l'esclave homme a le même châtiment que l'homme libre. C'est-à-dire qu'on le flagelle 100 fois, qu'il est banni 1 an. Ça, c'est pas Moujma Alehi. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Donc aujourd'hui, on a appris quoi? Que le Munfasil, Mukhassis Munfasil, c'est de 3 choses. T'as un tarsis qui est fait par le his, par le constat. Un qui est fait par le aql, par la raison. Et un qui est fait par quoi? Par le dalil. Par le shada. Et le dalil, c'est kitab ou sunna. Et chacun des deux peut être mukhassas par l'autre et également mukhassas par quoi? Le qiyas et l'ijma. Mafhoum hada? Tayyib. Fa ila huna. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.